Chapitre 6e. Le dossier d'Octave de Vallombreuse. Salvert toussa et se campa sur son fauteuil avec toute l'importance d'un homme qui se croit nécessaire et qui se sait apprécié. Puis il reprit la parole de la façon suivante. Jean-François Octave est né le 23 mars 1851 de François Albert, duc de Vallombreuse, avec Donna Maria Angelina Dolores de la Figuera. Il a donc 23 ans. Passons, dit Flavia. Passons, répéta Sir John Colfax. Octave de Vallombreuse est donc majeur, continua le maître clerc, c'est-à-dire qu'il a la libre disposition de sa fortune. Mais sa mère, qui redoute avec raison la faiblesse de caractère de monsieur son fils, s'est bornée à subvenir largement à ses fantaisies, ce qui n'a pas empêché le jeune duc de contracter des dettes considérables pour lesquelles il est abominablement traqué à l'heure qu'il est. Bien, après, ce pauvre jeune homme est plutôt un fanfaron de vice que foncièrement vicieux. D'un esprit ordinaire, il est doué d'un amour-propre excessif, et c'est ce dernier côté de son caractère qui l'a poussé dans des extravagances qui lui ont valu une sorte de célébrité dans le monde où l'on s'amuse. Il a pour maîtresse en ce moment une actrice d'un de nos théâtres à la mode. « Fort bien, » dit Flavia. Célestine Marbot est une de ces femmes sans cœur qui spéculent sur l'amour qu'elles inspirent avec la froideur des tripoteurs d'affaires. Sa beauté est un capital. Il l'exploite dans le sens le plus profitable à ses intérêts. Lorsqu'elle a ruiné ses galants, elle les met à la porte, elle en est à son troisième décavé. « Depuis quand est-elle la maîtresse du duc ?» demanda Flavia. « Depuis 6 mois. »« Et à combien se montent les dettes d'Octave ?»« Une bagatelle, » dit Salavert. « 200 000 francs, environ. » Ce qui fait que Célestine Marbot lui dévore 40 000 francs par mois. « Il paraît que c'est son tarif. » répliqua gravement le maître clerc. Voilà une fille pratique, dit Sir John Colfax en riant. Elle a pour le moment un bout de rôle dans une féerie de la Gaîté. Très bien. Demain, interrompit Flavia, j'irai voir cette Célestine Marbot. En ce cas, je demanderai une avant-scène à Martineau, car notre ami Martineau est au dernier mieux avec cette brave Célestine. Vraiment? Oui, mais sans bourse déliée. Oh, il est dans les bons principes, lui. Tiens, tiens, reprit l'ancienne institutrice, comme tout s'enchaîne. Mais alors, Martineau? Oui, au besoin, je me rappellerai cela. Vous m'accompagnerez, n'est-ce pas, mon père? Dit-elle à Sir John Colfax. Je verrai avec plaisir l'héroïne qui a su élever l'amour à la hauteur d'une profession régulière, répondit l'Américain. Le nom de Martineau, mêlé si inespérément à ceux d'Octave de Vallombreuse et de Célestine Marbot, tintait encore comme une douce musique à l'oreille de Flavia. Elle avait entrevu, avec ce coup d'œil rapide de la haine, tout le parti qu'elle pouvait tirer, au cas où la duchesse serait criminelle, de la liaison de Martineau avec la figurante de la Gaîté. Mais elle n'en souffla mot, et se tournant vers Salavert, « Vos renseignements sont des plus intéressants, » lui dit-elle, « et vous êtes en bonne voie pour devenir notaire. Continuez. » Le maître clerc était rayonnant. « Ah, » ajouta Flavia, « n'oubliez pas ma loge pour demain. » « Je vous l'apporterai moi-même, » répondit Salavert. Il se leva, prit son chapeau, salua et sortit.